Zaventem et Drogen Boss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Parce qu'une Jaguar est faite pour être admirée, Jaguar Drogen Boss fait tout pour garder votre voiture en pleine forme. Achetez une Jaguar de stock et recevez 3 ans de garantie et 3 ans de carrouage et d'entretien gratuit. Allez vite chez Jaguar Drogen Boss et choyez votre nouvelle Jaguar grâce à ce triple cadeau. Offre valable également chez Jaguar Brussels à Zaventem et Waterloo. Guten Tag, bonjour. Alors, pour l'Oktoberfest, j'ai nié les new cars. Je vous propose 99 sublimes top modèles. 99 fantastiques Mercedes d'occasion récente en solde, prête à défiler pour vous, avec les horaires et en trébuchet. Ya, c'est possible, ya. Colossal solde pour l'Oktoberfest, c'est 7, 8 et 9 octobre au Megastore nier les new cars de Woluwe et d'Anderlecht. Ouverture le vendredi 7 jusqu'à 22h et le dimanche 9 jusqu'à 17h. Nier les new cars. By Mercedes-Benz. Plus d'infos sur nnc.be/solde. Médiacité présente le mois du sourire ensemble pour Cap 48. Tous les mercredis et samedis, activités ludiques de sensibilisation. Je vous donne rendez-vous avec d'autres personnalités RTBF pour battre le record du monde et former tous ensemble le plus grand sourire humain. Je compte sur vous les samedis 8 octobre dès 13h30 sur la Piazza de Médiacité. Info sur cap48.be. Écoutez Vivacité, il est 13h. La journée mondiale des soins palliatifs aujourd'hui, des soins en pleine mutation. Nous verrons qu'ils ne sont plus réservés uniquement à la fin de vie. Nassonia a-t-il du plomb dans l'aile? Le patron de Peridaïsa voudrait exploiter une partie de la forêt de Nassogne, mais ce projet dédié à la biodiversité ne convainc pas tout le monde. Éric Dombes aurait déjà un plan B, le bois des Épioux à Florentville. Marcher 100 km pour la bonne cause, c'est le défi complètement fou que vont relever les journalistes de la RTBF. Une marche parrainée dont les bénéfices iront à Cap 48. Les infos de Julie Buron. Bonjour Julie. Bonjour Régine, bonjour à tous. Soulager la douleur liée à la maladie en fin de vie, la définition des soins palliatifs pour beaucoup d'entre nous. Pourtant ces soins, c'est bien plus que cela. La définition est élargie depuis que la loi belge a été modifiée il y a quelques mois. Aujourd'hui c'est la journée mondiale des soins palliatifs. Yasmina Favaro, ces soins peuvent donc intervenir plus tôt pour un meilleur confort du patient. En parallèle des traitements pour éradiquer la maladie, car les deux aspects ne sont pas opposés. Écoutez Dominique Bouquenard, médecin et présidente de la Fédération bruxelloise des soins palliatifs. Précédemment, on pensait uniquement aux soins palliatifs lorsque les possibilités thérapeutiques étaient épuisées. Mais en fait, soins palliatifs et soins traitements ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et on plaide pour un concept de soins palliatifs à la fois plus précoce, intégré pour tous. Améliorer la qualité de vie, que ce soit de manière physique ou psychique. En Belgique, ce sont entre 10 000 et 20 000 patients qui ont besoin de soins palliatifs. La prise en charge, elle, peut s'effectuer à domicile, à l'hôpital ou encore en maison de repos. Les soins palliatifs, deux mots qui effraient le patient. Yasmina, deux mots qui sont tabous. Et c'est pour ça que les professionnels du secteur veulent changer les mentalités. Ça évoque une idée de mort imminente. Ça entretient le fait qu'on commence à parler des soins palliatifs beaucoup trop tard. Des études ont montré que les bénéfices étaient vraiment très importants parce qu'il y a une attention particulière à ces questions de soulagement des symptômes, ce besoin d'écoute et de communication. Ils vont mieux pouvoir s'adapter à l'évolution de leur maladie. Un bien-être qui peut même parfois permettre aux malades d'allonger sa durée de vie. Le gouvernement Michel devait entamer à 11h son marathon budgétaire. Le compte à rebours est lancé. Il ne reste que 3 jours aux ministres pour boucler leur budget. Mardi, le Premier ministre est attendu à 14h15 pour sa déclaration de politique générale. En coulisses, il se murmure qu'il reste du pain sur la planche. La police a-t-elle bien fait son travail avant les attentats de Paris en novembre dernier? Le rapport final du comité P, dévoilé en partie ce matin par le journal de Tay, Aid montre de nombreuses occasions manquées dans le travail des enquêteurs en Belgique. À 13 reprises, les noms de ceux qui feront exploser leurs bombes à Paris sont apparus dans les dossiers policiers. Mais le suivi de ces radicalisés a été régulièrement relâché, voire interrompu par le manque de policiers et par une transmission d'informations imparfaites, Myriam Ball. Ce rapport renforce les constats déjà dressés par les rapports intermédiaires. D'abord, un manque de moyens de la police au point d'empêcher d'exploiter des informations dont elle disposait. Par exemple, en février 2015, une perquisition au domicile des frères Abdeslam, que l'on savait radicalisés, avait permis de saisir tablettes et téléphones. Leurs données ne seront jamais complètement décortiquées, faute de personnel. Le parquet a dès lors classé sans suite leur dossier, tout en recommandant de garder un œil sur ses frères. Mais qui l'a fait ? Personne, pendant tout l'été avant les attentats, par manque de moyens à nouveau et aussi par manque de clarté dans les missions. Était-ce le job de la police de zone ou bien de la police fédérale ? Enfin, la nouvelle du retour en Belgique d'un autre radicalisé, considéré comme danger potentiel, n'est pas montée de la police zonale vers la police fédérale. Bilal Hatfi se fera exploser un mois plus tard devant le Stade de France. Il appartient à présent aux députés de la commission d'enquête terrorisme d'analyser tout ça. Et ils devront faire le tri. Quelles sont les informations dont les policiers ne pouvaient pas deviner l'importance dans l'ignorance de la suite et dans la masse de données de l'époque? Et quelles sont celles qui auraient vraiment dû être transmises et approfondies? Le projet d'Éric Dombes à Nassogne, le projet Nassonia, ne fait pas l'unanimité dans la commune. Tant et si bien que le patron de Péridaïsa cherche un autre site naturel où mener à bien son grand projet autour de la forêt. Et l'alternative pourrait bien être le bois des Épioux en Gaume, près de Florenville, un domaine de 1700 hectares d'une grande richesse naturelle qui appartient depuis plus d'un siècle au CPS de Mons. Marc Barvet, son président. Si la première piste n'évolue pas, on se tourne évidemment pour pouvoir réaliser son projet sur d'autres domaines. Mais moi, je crois que l'idéal, ce serait de pouvoir réaliser les deux. C'est une propriété de rapport qui, en moyenne, nous dégage quand même un bénéfice de 500 000 euros par an, grosso modo. Donc, ça nous permet effectivement, selon la volonté du généreux donateur, de pouvoir participer à l'amélioration de la qualité de vie, notamment des personnes âgées. Donc, effectivement, pour nous, il est important de garder, évidemment, une recette de ce domaine. Mais bon, on n'est pas encore dans la finalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, nous, notre bail de chasse se termine après cette saison de chasse-ci. Donc, on doit de toute façon renégocier notre contrat de location de chasse ainsi que la location de pêche au niveau de nos étangs. Marc Parvet, président du CPAS de la ville de Mons, interrogé par Stéphanie Van Dreck. Dans l'actualité internationale, l'ouragan Matthew remonte vers le nord. Il longe la côte est des États-Unis où il a causé des inondations et de nombreuses pannes de courant. Mais maintenant, il perd de l'intensité et de la force. En Haïti, par contre, il laisse des paysages de désolation et un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Plus de 800 personnes ont perdu la vie à Linouavrey et les risques d'épidémie inquiètent. Quatre jours après le passage de Matthew, Haïti est agenouillé, attend l'aide internationale. Dans les régions les plus touchées, les maisons sont détruites, mais aussi les centres de santé, les hôpitaux. Ralph Thomassin est journaliste en Haïti. Il a sillonné les régions touchées. C'est des arbres qui sont tombés sur le réseau électrique, donc du coup il n'y a pas d'électricité. J'ai vu aussi des personnes qui sont déplorées, quoi, qui ont totalement perdu leur maison. Okay. Des gens aussi qui sont aux abois parce que jusqu'ici, ils n'ont aucune nouvelle de leur famille. Et puis, l'assistance, les gens ne le voient pas. L'eau potable manque et les risques d'épidémie inquiètent. Le choléra en premier lieu avec les premières victimes sur la côte sud du pays. Le choléra avait fait déjà beaucoup de dégâts après le tremblement de terre il y a 6 ans, comme un terrible air de déjà-vu en Haïti donc. Et les jours d'après s'annoncent déjà très difficiles puisque l'ouragan Matthew a dévasté les récoltes des agriculteurs. Cornelia Walter, la chef de communication pour l'UNICEF en Haïti. Haïti était dans la saison de récolte. Et Matthew, il est venu juste à temps pour détruire toute la récolte. On est très préoccupés qu'il y aurait une augmentation des cas de malnutrition parmi les enfants. Plusieurs pays ont décidé d'envoyer de l'aide, la France notamment. Aline Wavreille avec Radio France et Thomas De Brouckère, notre envoyé spécial aux États-Unis pour couvrir la course à la Maison Blanche. On vient d'apprendre le décès de Pierre Tchernia la nuit passée à Paris à l'âge de 88 ans. Pierre Tchernia, c'est une figure bien connue du petit écran en France et en Belgique aussi. En France, il avait participé à la création des premiers journaux télévisés. Jusqu'en 2006, il participait aussi à l'émission Les Enfants de la télé d'Arthur sur TF1. Mais Pierre Tchernia a aussi collaboré avec la RTB. C'était lui le premier présentateur de Zigo, Maticorama, avant d'être remplacé par Bernard Faure qui nous a quittés il y a quelques jours. Lui aussi, c'était le 30 septembre dernier. On passe au sport. Les Diables Rouges ont rassuré hier soir. Ils ont battu la Bosnie 4-0. Les Belges affichent un sans faute dans la course à la qualification au Mondial 2018. Et ils finiront l'année avec des matchs contre Gibraltar et l'Estonie. De quoi espérer un 12-12. Mais il faudra être digne de son statut. Et ce, à chaque match, notamment lundi, contre Gibraltar. Écoutez Axel Witsel et Thomas Meunier. Je pense que c'est notre objectif, prochain match Gibraltar. Même si c'est un match piège, on doit aller là-bas pour absolument prendre les 3 points. Et voilà, on va essayer d'avoir du score. Non, on va faire très très attention à ne pas se faire avoir. Je veux dire, des matchs en Estonie, des choses comme ça, c'est pas gagné d'avance. Et ni Gibraltar, donc il faudra se concentrer jusqu'à la fin. Et puis toujours prouver que voilà, c'est la Belgique, c'est l'équipe numéro 2 mondiale. Et voilà, qu'on est là, et c'est pas pour rigoler. Des propos recueillis par Thierry Luther, c'est Manu Jousse en Formule 1, c'est Nico Rosberg qui partira en pole position du Grand Prix du Japon. Il a remporté les qualifications devant son équipier Lewis Hamilton. C'est la 3e pole d'affilée de l'Allemand qui est aussi en tête du championnat du monde. Ils sont enfin prêts à relever le défi pour Cap 48. Dans 2 petites heures, de nombreux journalistes de la RTBF entameront une marche de 100 km emmenée par Julie Morel. Objectif, récolter des dons pour l'association Les Héliotropes, une association qui vient en aide aux handicapés mentaux. Sophie Mergen a pris le pouls des marcheurs quelques heures avant le grand départ. 100 km à pied, ça use, mais c'est pour la bonne cause. Départ à 15h cet après-midi à Marchand-Famenne, arrivé à Liège demain à 21h, un défi qui est à la fois angoisse et motive. Valérie Druit. On est à la fois excité, impatient et surtout très inquiet, parce que 100 km à pied, c'est une très très longue distance, et on se demande tous, un, si on va y arriver physiquement, et surtout, est-ce qu'on va résister à la terrible tentation de dormir, en fait. Et oui, 30 heures de marche, avec certes des arrêts pour se reposer et se ravitailler, mais pas de pause dodo. Les marcheurs passeront par Auton, Durbuy et toute la vallée de l'Ourthe. Ils seront accompagnés par des sportifs handicapés de la Ligue Handisport francophone, mais aussi des étudiants en kiné qui les chouchouteront à chaque halte. Julien Vlasenbroek. On est plutôt serein parce qu'on a une belle équipe. On sait qu'on va être soutenu moralement, qu'on est suivi médicalement. Puis c'est une belle aventure et on espère la finir entier. Quand on a l'occasion de faire quelque chose pour une bonne cause, il faut savoir le saisir. Là, concrètement, ça ne nous coûte rien d'autre que beaucoup d'énergie et un peu de temps, donc c'est avec plaisir. Les bénéfices de l'opération seront reversés à l'association Les Héliotropes, son cheval de bataille, les personnes handicapées mentales qui ont été exclues d'autres structures et qui, sans cette ASBL, se retrouveraient bien en détresse. Le point RTBF Mobile Info avec vous, Pierre Collard-Bovis, c'est plutôt calme. Oui, c'est calme, puisque l'accident qui nous préoccupait encore sur le 34 envers Eindhoven à hauteur de Réti, c'est terminé. Vous roulez maintenant vers Eindhoven. On signale quand même des travaux sur le 42 Tournai Mons. Ce sont des travaux de réhabilitation du revêtement. C'est en direction de Mons, entre Maubray et Perrué. Ce n'est pas un long, long trajet, mais la circulation s'effectue sur une seule voie ces 3 jours. Donc ce samedi, ce dimanche, ces 2 jours. Ce samedi et ce dimanche. Et puis on termine avec un contrôle de vitesse sur la 54 Nivelles-Charleroi entre Buzet et Timéon en direction de Charleroi. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et depuis la rentrée, c'est votre nouveau rendez-vous avec l'information, la semaine Viva qui revient sur les temps forts qui ont marqué l'actualité des 7 derniers jours. Dans un instant, Christophe Grandjean et Régine Dubois reviendront sur la restructuration d'ING, la banque qui enregistre des bénéfices cette année, a annoncé la suppression de 3000 emplois d'ici 2020. Vous pourrez entendre notamment un employé de la banque qui témoignera du climat de terreur que la direction fait régner au sein de l'entreprise. Également au menu de la semaine Viva, la fin du procès Saint-Vincent-et-Westphal, acquitté au bénéfice du doute. L'ouragan Matthew aussi qui a semé la désolation en Haïti. 900 personnes sont mortes. Tout ça donc dans un instant après la pub. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vivacité. Jusqu'à 14h sur Vivacité, c'est la semaine Viva. Bonjour, bienvenue dans la semaine Viva qui revisite et décrypte pour vous l'actualité de manière concrète. Et il y a eu de la matière cette semaine, Christophe. Ah bah ouais, ça a commencé dès le début de la semaine, dès lundi matin à l'aube à 7h avec ce conseil d'entreprise extraordinaire à la banque ING et ce séisme. De 3000 emplois sont menacés et sans doute la moitié en sous forme de licenciement sec. Voilà, pour comprendre ce qui se passe, pourquoi cette restructuration, est-ce que c'était nécessaire? On aura le témoignage d'un employé de la banque et puis on aura aussi Sébastien Buron du magazine Trends Tendance, journaliste économique donc, qui viendra nous expliquer ce qui se passe là-bas. L'épilogue du procès de Bernard Westphal jeudi après-midi. Michel Gretry était l'un de nos journalistes à la cour d'assises de Mons. Il nous dira comment il a vécu ce procès hors norme. Alors, Wikileaks, fête ses 10 ans. Les lanceurs d'alerte, tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est un peu obscur. C'est un peu compliqué. Hein. Julian Assange, ouais. Snowden et compagnie. On en entend beaucoup parler. Eh bien, qui sont-ils? Et chez nous, est-ce que ça existe? Témoignage, explication avec Alain Lallemand, qui est spécialiste en la matière au journal Le Soir. Ophélie Fontana sera là, bien sûr, avec son image de la semaine, la vidéo de cette enfant syrienne qui témoigne de la situation dramatique qu'elle vit à Alep. Et puis Tom Salbette, bonjour Tom. Bonjour Régine, bonjour Christophe. Salut. Qui a veillé toute la semaine sur sa tablette pour vous dire comment les réseaux sociaux vivent et perçoivent l'actualité. Et il y aura même un petit portrait numérique de Kim Kardashian. Exactement, qui est bien dans l'actu cette semaine. Ah ça, on peut dire que pour être dans l'actu, dans l'actu. La semaine Viva avec Régine Dubois et Christophe Grandjean. Et tout de suite, le rétroviseur de Christophe Grandjean, toute l'actu de la semaine en 2 minutes 30. Cette semaine fut animalière, parfois même bestiale. Bestiale comme la violence du lion ING, prêt à dévorer plus de 3000 employés de la banque. C'est la douche froide. Des annonces scandaleuses, une direction qui pendant des mois a travaillé dans l'ombre pour nous annoncer aujourd'hui un plan scandaleux, quoi. Franchement un plan scandaleux. ING, un lion prévoyant comme un écureuil. Ces 10 dernières années, la banque a engrangé 10 milliards d'euros de bénéfices. Des clients sont offusqués, ils reprennent leur argent. Croire qu'une banque doit licencier avec autant d'argent de côté, ce serait avaler des couleuvres. L'islamisme radical est un serpent qui hypnotise ses proies. Et son venin a peut-être empoisonné l'agresseur de deux policiers à Schaarbeek. L'ancien militaire est inculpé de participation aux activités d'un groupe terroriste. Le bénéfice du doute pour Bernard Westphal, acquitté du meurtre de sa femme. Quel gâchis, quel gâchis! L'ancien député est dégoûté d'avoir été considéré comme une brebis galeuse. Ce parquet de Bruges qui a tout fait pour essayer de convaincre l'opinion publique que j'étais un salaud, un assassin ou un homme capable de poser ce genre de gestes. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas vrai. Un vent a décorné les bœufs sur les Caraïbes. L'ouragan Matthew arrache tout sur son passage et tue des centaines de personnes à Haïti. En Syrie, des faucons va-t-en-guerre bombardent sans vergogne des enfants qui ont l'innocence des agneaux. Bana, une fillette de 7 ans, lance un appel à l'aide sur Internet. Nous avons peur. La guerre à Alep dure depuis plus de 5 ans. Et pourtant, à vol d'oiseau, la paix est parfois toute proche. Les efforts du président colombien pour stopper 50 ans de conflit avec la guérilla des FARC lui valent le prix Nobel. Une colombe plane sur la Colombie. Le rétroviseur de Christophe, oh, comme c'est joli à chaque fois. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Cette ménagerie, j'aime bien. Et ce rétroviseur est disponible sur Internet. Il est mis en image par Frédéric Solvel. N'hésitez pas à aller le voir, le revoir, le réécouter et le partager sans aucune modération, évidemment. L'actualité est riche et il y a des choses dont on ne peut pas parler. Et heureusement, Tom nous fait un petit top 3 de ces choses dont on ne parlera pas, Tom. Oui, ou dont on n'ose pas parler. Ou dont parfois. On n'a pas parfois pas envie de parler. Aussi. Dont on ne parle peut-être pas au JT, mais qui circulent quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que vous savez que sur Internet, on aime bien les infos un peu décalées. Alors, premier titre, portée disparue. La collégienne avait été oubliée à l'infirmerie. C'est, l'histoire, passer, oui, c'est l'histoire d'une maman un peu inquiète cette semaine. Sa fille de 11 ans n'était pas rentrée du collège. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé la police, elle a commencé à s'inquiéter. Ils ont sorti l'hélicoptère pour faire des recherches. Et en fouillant l'école, ils se sont rendus compte que la demoiselle était restée à l'infirmerie. Elle était malade, elle dormait. Non, en fait, l'infirmière lui avait donné un médicament homéopathique et elle s'était endormie. Ah. Et du coup, quand les policiers sont venus, ils l'ont retrouvée là. Heureusement, la maman va mieux depuis. Deuxième titre. Autriche, une voyageuse contrôlée avec les intestins de son mari dans sa valise. Mais enfin, ah ouais. Encore une info bien fraîche et bien bizarre. Bon appétit si vous êtes à table. Une exactement. Fétichiste. Presque. Elle s'est quand même justifiée en disant qu'elle soupçonnait que son mari avait été empoisonné, qu'elle voulait faire analyser ses intestins. Voilà. D'accord. Chacun a de bonnes raisons de transporter des intestins dans ses bagages. Et puis on part en Inde pour le troisième ? Exactement. Un pigeon placé en détention pour une lettre de menace. Ça, c'est encore un titre original qui a circulé sur les réseaux sociaux. C'est un pigeon donc qui a été placé en détention cette semaine parce qu'en fait, il avait un message, mais c'est sérieux parce que c'était un message à caractère terroriste qui était attaché à sa patte qui menaçait le premier ministre indien. Alors, solution radicale, on met le pigeon en prison. Et les voilà. Lettres de menace, en général, c'est les corbeaux plutôt. Oui, oui. Comme quoi, les réseaux sociaux, Internet, tout ça, non, un bon vieux pigeon. Ça hein, marche. Finalement. On va tout de suite se pencher sur la situation chez ING. Jusqu'à 14h, la semaine diva. Je vous lis un extrait, Christophe, d'un article paru dans le Trends Tendance du 22 septembre. Depuis plusieurs semaines, les employés d'ING sont inquiets. C'est un secret de Polichinelle, le groupe néerlandais qui emploie 52 000 employés, dont un peu moins de 9 000 en Belgique, et sur le point d'annoncer, sans doute au début du mois d'octobre, un plan d'économie qui devrait faire mal. 3 000 personnes seraient concernées en Belgique. Eh ben, voilà des journalistes bien informés. Voilà. Sportifs, hein. Et du coup, bah, Sébastien Buron, qui a co-écrit cet article, est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est pas un don de voyance, donc comme vous dites, c'était un secret de Polichinelle. Effectivement, on était au courant donc de cette d'abord de la date, de la date de la grosse restructuration qu'ING a annoncée donc cette semaine, le 3 octobre. Donc nous étions au courant et nous étions au courant aussi du plus ou moins du nombre. Enfin, on avait une fourchette du nombre d'employés qui étaient concernés et touchés. Alors, on parlait de 3000 personnes déjà à l'époque en coulisses et dans les cénacles financiers. Ce qui est dingue, c'est que le personnel semblait tomber de haut, donc lui n'était visiblement pas du tout alerté. Si, il savait. Bon, moi, j'ai quelques contacts en interne au sein de la banque et les employés savaient qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais sans doute pas de cette ampleur-là. Bon, les chiffres circulaient, mais certains minimisaient, disaient oui, mais enfin, il faut voir, etc. Mais bon, là, le chiffre de 3000 personnes sur le carreau, dont 1700, dit la direction, licenciées de manière sec, c'est quand même un gros coup pour la banque. Alors, il y a un réseau interne chez ING, un réseau social interne sur lequel la direction néerlandaise aurait posté un message disant il vaut mieux réparer son toit quand il fait beau. On ne sait pas si c'est très délicat de nouveau comme manière de communiquer, mais ça veut dire que chez ING, la situation n'est pas dramatique au niveau financier. Ce n'est pas une restructuration qui est nécessaire. Aux yeux de la direction, visiblement oui, puisque la direction veut prendre un autre cap. Voilà, donc effectivement, la banque ne va pas mal. Mm-hmm. La banque ne va pas mal en Belgique, certainement. Elle dégage des profits depuis plusieurs années, encore pas plus tard que fin du mois de juin, donc ce qu'on appelle les résultats semestriels. Ben la banque a dégagé 500 millions d'euros de bénéfices avant impôts. Donc elle ne va pas mal. Est-ce qu'elle dit vrai quand elle dit qu'il faut préparer l'avenir, ou bien le but c'est simplement de mieux rémunérer les actionnaires? Non, je pense que... Alors, rémunérer les actionnaires, il y a deux choses. Bon, on a fort tapé sur le dos des actionnaires. C'est vrai que les actionnaires, il y en a. Il y a des gros, dans les actionnaires d'ING, j'ai été vérifié, il y a des gros fonds de pension américains. Mais dans les gros fonds de pension américains ou dans les fonds d'investissement américains comme BlackRock, qui est le plus grand fonds d'investissement au monde, qui pèse des milliards et des milliards de dollars, ces fonds de pension et ces fonds d'investissement, en fait, on est quelque part... tous dedans. Parce que vous, dans votre SICAV, sans le savoir, dans votre fonds d'investissement, vous avez peut-être un fonds d'épargne BlackRock ou une action ING sans le savoir. Et vous avez aussi envie que votre épargne pension vous rapporte un peu plus que le compte d'épargne. Donc on est un peu schizophrène à ce niveau-là. Quand on parle des actionnaires, c'est pas une chose immanente comme ça qui sort de nulle part. Les actionnaires, c'est un peu vous et moi. Donc ceux qui critiquent sont peut-être concernés indirectement. Voilà, ils ne le savent pas, on ne le sait pas toujours, mais bon, les actionnaires, c'est parfois vous et moi. On a a vu des personnes qui étaient choquées par la situation chez ING cette semaine et qui ont décidé de fermer leur compte ING. Est-ce que c'est une bonne manière de protester ? Libre à chacun de faire ce qu'il veut de son argent, évidemment, et de gérer au mieux, en bon père de famille, son patrimoine. Retirer son argent, oui, si on n'est pas content, pourquoi pas. Bon, deux remarques quand même à ce niveau-là. C'est que si tout le monde décide au même moment de retirer tout son argent chez ING, ce ne sera pas bon pour la banque. Peut-être des raisons de licencier qui sont plus évidentes niveau financier. Voilà. Donc là, on risque, ce n'est pas bon non plus. Enfin, on risque de fragiliser la banque. Deuxième chose, retirer de l'argent d'une banque, ce n'est pas toujours simple. On a tous un crédit hypothécaire, on a un compte courant, bon, changer de banque pour changer de crédit hypothécaire, c'est pas évident. Changer de banque pour déplacer un peu d'épargne, ça c'est faisable. C'est possible, ça prend pas beaucoup de temps, on peut le faire, on peut aller mettre son argent quelque part ailleurs, dans une autre banque, C'est mieux ailleurs ? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment mieux ailleurs ? Parce que les autres grandes banques, il faut savoir que toutes les banques sont pour l'instant sous pression. Tout le secteur se restructure, se réorganise. Il ne faut pas penser que chez d'autres grandes banques, les employés ne sont pas sous pression ou qu'il n'y a pas une érosion de l'emploi. Toutes réduisent les conditions de leurs employés, toutes ne remplacent pas les départs à la pension, etc. Donc si on veut déplacer un peu d'argent, je dirais, le conseil à donner peut-être est d'aller le mettre peut-être dans une petite banque internet. Ouais, où plus vous aurez une bonne rémunération. Mais ça fait peur aussi, hein, ça, on connaît moins bien, donc comment faire le bon choix pour... Alors il y a des outils pour ça, pour faire le bon choix. Il y a certains... Comme par exemple... GuideEpargne.be, par exemple. GuideEpargne.be est un site extrêmement bien fait qui compare toutes les conditions des comptes d'épargne et qui vous dit, voilà, chez telle banque, vous avez un taux de base d'autant, une prime de fidélité d'autant. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, la question sous-jacente que vous posiez, est-ce que c'est pas un peu inquiétant, si je comprends bien, d'aller dans une petite banque internet ? Est-ce que parce qu'on ne connaît pas, il n'y a pas d'agence, est-ce que c'est solide ? Je pense que les petites banques internet sont solides. Et puis, il faut surtout rappeler qu'il y a une garantie sur votre épargne de 100 000 euros en Belgique. Donc, quoi qu'il arrive, si vous mettez... Quelle que soit la banque, vous avez une garantie d'État, ce qu'on appelle une garantie d'État, qui couvre votre épargne jusqu'à concurrence de 100 000 euros. Ça veut dire par banque et par personne. Je dis n'importe quoi. Si vous êtes quelqu'un de très fort, un peu aisé, si vous avez 200 000 euros, eh bien vous avez tout intérêt à mettre 100 000 euros sur un compte dans une banque et 100 000 euros dans un compte dans une autre banque. Vous serez protégé à 100%. Voilà, ça veut dire que s'il arrive quelque chose, on ne perd pas ces 100 000 euros. Voilà. Merci Sébastien Buron. Voilà. Dans quelques instants, on aura le témoignage d'un employé d'ING qui était à la manifestation hier. Une concession automobile qui offre 3 ans de garantie et lave gratuitement votre voiture ? Non, vous ne rêvez pas. Chez Land Rover Drogon Boss, à l'achat d'une Land Rover de stock, vous recevez 3 ans de garantie, plus 3 ans de garouage gratuit. Découvrez notre vaste assortiment de modèles en stock chez Land Rover Drogon Boss. Offre valable également chez Land Rover Brussels à Zaventem et Waterloo. Samedi, de 14h à 16h, Vivacité vous emmène visiter le monde. Ce samedi, la grande évasion est de retour sur Vivacité. Nouveau duo, nouvel horaire aussi, 14h, 16h. Et pour ce grand retour, nous vous offrons un séjour de rêve pour deux dans la ville de tous les extrêmes. Direction New York. Et si vous connaissez bien New York, racontez-nous vos aventures maintenant sur la page Facebook de l'émission. La grande évasion avec Philippe Jauniaux et Audrey. Vivacité présente le week-end Maison et Architecte, un événement d'une brique dans le ventre. Besoin d'inspiration pour construire ou rénover ? Visitez gratuitement des maisons conçues par des architectes wallons et bruxellois et découvrez leurs talents ces 8 et 9 octobre. Préparez vos visites sur le site maisonetarchitecte.be. Avec le soutien de l'Ordre des Architectes et d'AXA Bank. La Fnac fête ses 35 ans et vous couvre de cadeaux. Jusqu'au 30 octobre, profitez d'offres spéciales anniversaire Fnac jusqu'à moins 40%. Tous à la Fnac et sur Fnac.be. Fnac. Offre soumise à condition. Et pour toi, qui a le meilleur prix ? Le meilleur prix ? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris ? C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Vivacité présente la nuit du feu des abonnés au domaine provincial de Chevetogne. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Accès exclusivement réservé aux abonnés du domaine. Info, domainedechevetogne.be. Avec Stu et votre journal 7 dimanche. Non mais tu l'entends l'autre là ? Il fait que rigoler ! Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCar de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750 €, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, le magazine Délices et ses recettes pour revisiter notre terroir. La cuisine belge comme on l'aime, avec Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. Dans un instant, la réaction d'un employé d'ING qui va nous expliquer comment ça se passe à l'intérieur, hein, comment ça se vit cette crise à l'intérieur. Mais avant cela, ben justement, puisqu'on parle de circulation interne, Tom ING a invité ses employés à faire attention à ce qui se passait sur les réseaux sociaux et même presque, c'est presque de la censure. Exactement, ING a envoyé un mail interne à ses employés pour bien cadenasser son image et pour bien pouvoir contrôler ça. Ils ont envoyé un mail interne demandant au personnel donc d'être prudent avec la presse, mais aussi avec les réseaux sociaux et avec les relais sur les réseaux sociaux. Alors il y a toute une série de choses, ne réagissez pas aux insultes, ne partagez pas de sentiments de colère, limitez-vous à 2 échanges si vous discutez avec quelqu'un, enfin bref, toute une série de choses comme ça, bloquer les réactions indésirables, supprimer les messages insultants, toute une série de consignes à surveiller sur les réseaux sociaux. Moi j'en ai vu des personnes qui travaillent chez ING, que je connais, je vais taire les noms évidemment, qui ont mis des commentaires et puis qui les ont enlevés. Sur les comptes personnels, donc ouais, c'est assez Facebook, ouais. Cadenassé. Hein, donc, est-ce qu'un compte personnel peut être cadenassé, enfin surveillé par une entreprise? Allez savoir, il y en a peut-être qui le font. Pierre est avec nous en ligne. Pierre, vous êtes chez ING depuis plus de 15 ans, hein, je pense. Merci d'intervenir parce qu'on a eu pas mal de vos collègues en ligne qui nous ont raconté des choses, mais personne n'a voulu parler. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas parler? Il y a en tout cas un mot d'ordre qui nous a interdit de parler à la presse. Il y a des publications en interne sur notre réseau intranet qui nous renvoient vers le service de communication interne si on nous pose des questions et qui nous incite même à ne surtout pas partager, par exemple, nos états d'âme sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça on l'a évoqué il y a un instant. Effectivement, vous avez reçu une note dont on a lu des extraits et dans cette note, on vous donne des consignes assez claires par rapport aux réseaux sociaux, même, enfin, essentiellement sur vos comptes privés. Hein. Oui, absolument, nos comptes privés où il n'est pas forcément mentionné dans quelle société nous travaillons, tout le monde ne l'écrit pas, et je suis obligée de m'abstenir, parce qu'il y a aussi un climat de délation ambiante, évidemment, hein, puisque dans beaucoup de services, on sait qu'une personne sur deux va disparaître et que les listes ne sont pas encore établies, donc chacun se regarde un peu en chaîne faïence. Hein. En effet, on est censé ne pas communiquer à propos de la crise actuelle, même pas partager de façon neutre un article de presse qui parlerait de façon critique d'ING. Par exemple, il y a eu pas mal d'articles à propos du cynisme de la communication d'ING ou d'erreurs manifestes de communication. Le simple fait de le relayer serait déjà une faute, ce qui pourrait faire de nous des personnes plus facilement mises sur un siège éjectable. Et est-ce que ces consignes sont assorties de menaces en filigrane? Les menaces ne sont pas, évidemment, ils ne sont quand même pas bêtes, hein, les menaces ne sont pas aussi claires. Mais il est évident, à partir du moment où on nous dit, clairement dit, ça a été annoncé par le CEO Rick Vandenberg, nous allons choisir qui va rester, qui va partir, non pas en fonction de l'âge ou de critères qui est arrivé en dernier ou quoi, non, mais en fonction de les compétences, mais aussi, le mot est très important, le comportement. On n'a pas parlé des performances, il a dit le comportement. Il est évident que quand on nous donne des consignes très clair, très strict, tout le monde sait que si on ne les respecte pas, ben le comportement ne sera pas celui espéré, et donc la menace, elle est évidente. Est-ce que vous avez participé à la manifestation de d'hier matin? Pour moi, c'était un devoir, une obligation, j'aurais pas pu faire autre chose que d'être présent là. J'ai vu beaucoup de monde, malheureusement trop peu pour moi. Je pense qu'il y avait peut-être moins de personnes présentes que de personnes qui seront licenciées au final. Et ça, c'est vraiment triste. Vous avez l'impression que certains collègues auraient bien aimé être de la partie à cette manifestation, mais n'ont pas osé venir justement à cause des consignes. Moi, je vais dire qu'au niveau de ce que j'ai pu observer, le management local n'a pas spécialement dissuadé de faire grève ou de participer au mouvement, à la manifestation. Mais les consignes qui viennent d'en haut, donc tout ce qui est publication, tout ce qui est médias internes, n'allait évidemment pas dans. Il y a un climat presque de terreur au sein d'ING par rapport à la perte d'emploi et notamment dans les services les plus concernés, qui fait que chacun pense à son propre cas. Et je vois beaucoup de personnes qui par peur certainement, par individualisme un peu aussi, n'ont pas suivi le mouvement. Le secteur bancaire n'est pas spécialement réputé pour son militantisme syndical. On n'est pas chez les métallurgistes ou certains services publics ou autres. Les grèves sont assez rares, elles sont rarement dures. Celle-ci aurait dû être plus dure, certainement. L'image de la semaine. Ophélie Fontana, bonjour. Bonjour, bonjour. Salut Ophélie. L'image de la semaine nous emmène à Alep. Voilà, en Syrie, avec l'image de la semaine, le visage de cette petite fille de 7 ans. Elle s'appelle Bana et elle est devenue en quelque sorte le symbole de ce qui se passe en Syrie, de la guerre en Syrie. Cette petite fille, il faut savoir qu'elle n'a pratiquement jamais connu que ça, la guerre, le bruit des bombes en permanence, qui fait qu'elle ne dort en moyenne que 4 heures par nuit. Elle ne peut même plus aller à l'école alors qu'elle a envie de devenir institutrice. Donc c'est sa vie qui est vraiment presque mise sur pause pour une petite fille de 7 ans. C'est très dur. Elle pose énormément de questions à sa maman. Pourquoi il y a ça ? Pourquoi on ne vient pas m'aider ? Et du coup, sa maman a eu l'idée de relayer ses interrogations via Twitter, d'utiliser les réseaux sociaux pour faire passer un message très important. Et donc, sa maman retranscrit les sentiments, les réactions de sa petite fille en anglais, dans un anglais de base, puisque ce n'est pas sa langue maternelle. Mais donc, en 140 caractères, assez régulièrement, elle décrit le quotidien de la petite fille. Donc, son compte Twitter a été créé depuis le 24 septembre et elle a déjà plus de 55 000 personnes qui la suivent, 55 000 abonnés. Donc c'est vraiment bouleversant ce qu'elle raconte. Les mots qui reviennent le plus souvent, c'est peur, c'est bombe, c'est paix. Je vais par exemple vous citer quelques tweets récents. Je veux la paix, j'ai peur des avions maintenant à chaque fois que je les entends. Nous ne savons pas si nous allons mourir ce soir. Priez pour nous. Je demande à Bachar al-Assad et à Vladimir Poutine d'arrêter leur frappe. Donc voilà, on ne peut pas imaginer ici chez nous une petite fille de 7 ans utiliser des mots pareils. Bombe, terreur. Oui. Voilà, est-ce qu'on va mourir ce soir ? Ça paraît inconcevable, mais c'est le quotidien là-bas de ses enfants dans la ville d'Alep. Alors, on a vu cette vidéo qui a circulé cette semaine. Oui, parce que donc c'est ça, sa maman parfois poste des tweets, parfois aussi des photos ou des vidéos. Du coup, elle a même attiré l'attention des médias internationaux, forcément. Des médias sont allés en reportage chez elle, où elle se balade dans son appartement, elle se balade aussi dans les décombres, parce que c'est ça, une fois qu'elle sort de chez elle, le spectacle est désolant, des amas de pierres, parce que la maison d'à côté était bombardée, une partie de la famille n'est plus là, alors que c'était aussi les petits-enfants étaient des amis de Bana, donc vraiment son quotidien est complètement chamboulé. Et parfois, on la voit aussi finalement avec des photos plus normales, presque banales. Mm-hmm. On la voit jouant avec son petit frère, sa petite sœur, comme tous les enfants. Mais si ce n'est que son quotidien n'est quand même pas tout à fait pareil, parce qu'à Alep, la situation est toute particulière. Et l'espoir, c'est qu'un enfant sensibilisera peut-être davantage l'opinion publique, la communauté internationale, que les adultes, parce qu'on oublie, ouais, on oublie beaucoup ces populations d'Alep qui vivent des situations insupportables. Mais voilà, justement, si on prend le cas d'Alep, rien que la semaine dernière, il y a eu plus de 350 tués, la plupart des civils et beaucoup d'enfants, puisque vu que les enfants ne vont plus à l'école, reste à la maison. Donc, en général, dans ces pays-là, les familles sont assez nombreuses. Donc, les enfants sont les premières victimes. Et ici, très clairement, Bana est utilisée, entre guillemets, utilisée, je pense, dans le bon sens du terme, par des ONG. Parfois aussi, ça peut être par des activistes qui mènent, en quelque sorte, des opérations de communication. Et c'est vrai que, comme vous le dites, Christophe, avec un enfant, c'est encore plus percutant, parce que se dire qu'une petite fille de 7 ans vit un quotidien pareil, ça fait encore plus réfléchir. Et surtout avec des images qui sont issues du réel. On n'est pas dans une campagne ou dans un spot mis en scène. Ça, on sent que ce n'est pas du tout mis en scène. C'est vraiment la maman ou la petite fille qui filme, qui raconte. On voit bien que ce sont des mots d'enfant. On voit bien que ce sont des mots simples, vécus, ressentis au quotidien. Et donc, l'objectif de ces ONG ou des activistes qui mènent ce genre d'opération, c'est clairement d'attirer l'attention de l'opinion publique à l'échelle mondiale. Et c'est vrai qu'avec un enfant, c'est encore plus percutant. Alors oui, tout le monde s'en émeut, tout le monde en parle, c'est relayé, c'est retweeté. Mais finalement, au bout du compte, est-ce que ça change vraiment les choses ? Oui, on y réfléchit, mais nous, en tant que citoyens, nous, on est sans doute sensibilisés. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui avons prise sur ce genre de conflit. Toutes les cartes sont entre les mains du régime syrien et de son allié russe qui mène ces bombardements qui ne cessent pas. Il y avait pourtant un cessez-le-feu qui avait quand même été décrété, mais c'est véritablement un écran de fumée et donc ça ne sert à rien. Et ces gens vivent dans la peur, avec la peur de mourir du jour au lendemain. Donc je me dis, oui, c'est très bien, mais est-ce que c'est vraiment utile ? On est un peu impuissant. Bon, il y a de temps en temps des manifestations. Il y en a eu à Bruxelles cette semaine, mais elles ne rassemblent pas énormément de monde, il faut bien le dire. Et malheureusement, ça ne percole pas ou ça n'a aucun effet jusqu'aux dirigeants, aux dirigeants syriens, aux dirigeants russes qui mènent en tout cas ces bombardements terribles et très intenses. On s'émeut beaucoup des images qu'on voit circuler sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais on en voit beaucoup aussi. Et peut-être qu'à un moment donné, on s'émeut une minute et on passe à autre chose. Hein. C'est malheureusement ça, c'est travers des réseaux réseaux sociaux. Le paradoxe des réseaux sociaux. C'est vrai que ça passe peut-être plus vite. Ça, on prend conscience sur le moment, c'est très instantané. Mais est-ce que dans la durée, l'effet est aussi conséquent? Peut-être qu'une manifestation plus traditionnelle ou d'autres campagnes à grande échelle, ça, c'est vrai que ça reste à prouver. C'est tout le paradoxe de ces réseaux sociaux. Merci Ophélie. Merci à vous. Restez avec nous, on va changer de registre dans un instant avec le portrait numérique de Tom Salbette. Ah oui, on est dans le plus léger là. Ah, ça m'intéresse. Le samedi, de 13h à 14h sur Vivacité, c'est la semaine Viva. Portrait numérique donc, comme chaque semaine, Tom, vous vous êtes penché sur une personnalité. Et cette semaine, qui a fait l'actualité. Oui, une personnalité. Pas, hein, Et cette semaine, on va parler de Kim Kardashian. Elle est née le 21 octobre 1980 à Los Angeles, personnalité médiatique, femme d'affaires, productrice, animatrice de télévision. Ça a été la personnalité de télé-réalité la mieux payée en 2015. 53 millions de dollars, ça va, il y a pire, je pense. Bon, elle est dans l'actu parce qu'on l'a agressée en pleine nuit dans une résidence de luxe à Paris cette semaine. Elle a été ligotée, bâillonnée, 9 millions d'euros de bijoux qui lui ont été dérobés. C'est pour ça qu'on parle d'elle dans l'actualité. Cette semaine, c'est aussi une représentante de la génération télé-réalité. Vogue l'a décrite comme un phénomène de la culture pop et elle se doit donc d'être hyper connectée. C'est en partie grâce à ça d'ailleurs qu'elle est connue, qu'elle est médiatisée. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme connexions diverses? On va aller faire un petit tour sur ses différents comptes. Alors, elle a un compte Instagram, ça c'est le truc un peu principal dans sa communication personnelle, sa communication sur elle-même. Parce qu'elle s'aime beaucoup. Elle se prend en photo, elle exhibe sa plastique sur son compte Instagram. On voit aussi ça et là des bagues, des colliers, d'autres joyaux. Bon, à voir si c'est... 84 millions d'abonnés, c'est ça ? 84 millions d'abonnés, non, ça je ne pense pas. À mon avis, c'est un petit peu moins. Ah si, si, c'est totalement possible en fait. On est aux États-Unis. Ah bah oui, hein, c'est ça. C'est une star planétaire. Ouais. C'est pas les chiffres des comptes Twitter belges. Hein. On est dans des décimales un peu plus grandes. Alors sur Twitter, 48 millions là, d'abonnés. Plein de photos sexy, plein de photos glamour. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que des photos officielles en fait. Elle est entourée de son photographe, elle est accompagnée de son photographe en permanence. Mais elle ne poste pas tant de photos que ça de sa vie privée, de sa vie intime. Moi, je pensais que Kim Kardashian exhibait toute sa vie sur ses comptes. Perrier des photos, réveil, tout ça. Mais je pense qu'elle avait quand même elle n'avait pas à un moment donné pris un selfie avec son reflet dans le miroir où elle était à moitié nue, où elle a quand même fait quelquefois quelques coups d'éclat. Légèrement dénudée. Légèrement, vous êtes gentil. Hein. Un petit peu la polémique qui se partage sur les réseaux sociaux. Et puis une page Facebook officielle avec 29 millions de fans sur cette page, Régine. Bah voilà, reine des réseaux sociaux. Alors, grande communauté, beaucoup de... Et beaucoup de retombées commerciales aussi, puisque de temps en temps sur ces photos, on voit quelques marques. Ah oui, sans blague. À l'arrière-plan, et on se demande... Il faut bien vivre. Ce que beaucoup de gens se demandent aussi, c'est comment cette nana, donc, qui est en voyage, en vacances ou en promo de je ne sais quoi à Paris, se balade quand même avec quasi 10 millions d'euros de bijoux. Hein. Et en plus, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est vrai que ce sont des bijoux tellement chers que ça n'en fait pas tant que ça. Oui, il y avait une bague à 4 millions. Hein, si voilà, c'est ça. Il ne faut pas croire qu'elle a un coffre qui déborde de bijoux. Il n'y en a que quelques-uns, mais ils sont vraiment très coûteux. Donc ça... Dans un instant, on va essayer de découvrir, on va rester dans justement un peu le monde d'Internet avec qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. On va en parler avec Alain Lallemand, journaliste au quotidien Le Soir. Pour tout savoir sur les tendances de la mode pour cet hiver, rendez-vous chez Poincaré. Jusqu'au dimanche 9 octobre, c'est la semaine de la mode chez Poincaré. Profitez de moins 15% sur toute la collection. Info et horaires, poincaré.eu. Salut, c'est Divock Origi sur Vivacité, la radio diablement complice. Découvrez Monde Positif, le mouvement citoyen ni de droite ni de gauche qui veut en faire plus pour le recyclage et la planète. Mondepositif.be. Quadrus October Days, action carrelage. Oui, 2 mètres carrés plus 1 mètre carré gratuit. Quadrus à Waterloo, Havre et Zaventem, quadrus.be. Voir conditions. Bonjour, c'est Sylvie Honoré. Les 8 et 9 octobre, Vivacité participera au défi des 100 km, une marche organisée au profit de Cap 48. Nous marcherons plus précisément pour l'association Les Héliotropes pour que grâce à vos dons, elle puisse poursuivre son travail d'accompagnement tellement essentiel. On a besoin de vous. Rejoignez-nous sur agir.cap48.be pour nous parrainer ou parrainer nos mollets. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Forêt, portes ouvertes dans notre appartement témoin, ce dimanche de 10 à 14 heures, avenue du Globe 7 à Forêt. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. De 13h à 14h sur Vivacité, la semaine Viva avec Régine Dubois et Christophe Grandjean. Christophe, on va parler des lanceurs d'alerte cette semaine, puisque c'est le 10e anniversaire de Wikileaks. Alors, qu'est-ce que c'est Wikileaks ? Alors, Wikileaks, c'est une organisation non gouvernementale qui regroupe des informations divulguées par des lanceurs d'alerte. C'est ces personnes qui révèlent au monde des informations confidentielles. Wiki, en anglais, ça veut dire site participatif, donc sur lequel tout le monde peut publier des infos. Par exemple, l'encyclopédie Wikipédia, hein, qu'on connaît bien. Et Leaks, ça veut dire fuite, donc site participatif qui publie des fuites des documents confidentiels. Alors, pour mieux comprendre qui sont ces lanceurs d'alerte, nous sommes ce samedi avec Alain Lallemand. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour le journal Le Soir et c'est un peu votre spécialité, hein, les lanceurs d'alerte depuis quelque temps. Ah ben, c'est mon temps, c'est mon travail à temps plein. Donc, avoir les contacts avec les lanceurs d'alerte, essayer d'organiser le traitement et l'analyse de ce qu'ils ont à nous dire, essayer de diffuser cela au mieux, généralement au niveau international ou au niveau national, et essayer d'être prudent pour avoir, pour protéger le meilleur intérêt de nos lecteurs, comme vous le feriez de vos auditeurs, mais aussi pour protéger de manière technique et de manière légale l'anonymat de ces lanceurs d'alerte. Alors, qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte ? Parce qu'on en entend beaucoup parler, hein, tout le temps, on parle des lanceurs d'alerte. Eh bien, ça peut être vous, moi, n'importe qui, pour autant que cette personne se trouve dans une situation un peu délicate. Elle ne peut pas simplement aller trouver un journaliste ou une rédaction et lui dire « voilà, j'ai quelque chose à dire ». Ce sont des personnes qui, généralement, ont une interdiction professionnelle, que ce soit un policier, un juge, que ce soit un banquier, que ce soit un fiscaliste, que ce soit quelqu'un qui est tombé sur une information par hasard, par accident, ou éventuellement quelqu'un qui a été dérobé l'information. On a aussi dans les lanceurs d'alerte des hackers. Et cette personne vient tout près de nous en se disant « voilà ». Pour un intérêt public, et pas pour un intérêt particulier, je pense que l'information que j'ai dans les mains, je voudrais la diffuser, mais je ne veux pas être identifiable. D'accord. Alors imaginons, ça n'arrivera jamais évidemment, mais qu'il se passe quelque chose de grave au sein de la RTBF, dont on ne puisse pas parler parce que, en tant qu'employé, on n'a pas le droit de divulguer. Je vous contacte et je vous diffuse cette information, je peux être considéré comme lanceur d'alerte. Bien sûr. De manière confidentielle, évidemment. Et justement, comment faire passer cette information ? Comment la communiquer à ceux qui traitent les informations des lanceurs d'alerte comme vous ? Il existe une plateforme dédiée, donc un site, qui fait très attention à protéger votre anonymat. Donc c'est un site qui a été monté par nous, par les médias francophones, mais qui a pour objectif de vous garantir techniquement que si vous déposez des documents, si vous déposez des informations qui ont une valeur de révélation publique, vous serez protégé. C'est le site sourcesur.be, qui est un site qui a été créé il y a un an et demi sur base d'une idée originale de l'RTBF d'ailleurs, et qui a été développée en partenariat avec Le Soir, avec La Libre, avec l'Avenir. On sait qu'avec l'informatique, on peut toujours tout remonter. Là, on ne peut vraiment jamais rien remonter. Si les autorités veulent remonter quelque chose, elles ne peuvent pas trouver. C'est une très bonne question. Donc nous-mêmes, nous envoyons des pièges pour essayer de tester le système. Mmh. Donc le plus difficile pour un document, pour essayer de le rendre anonyme, c'est un fichier PDF. C'est celui où on va trouver le plus de traces. Eh bien, on regarde si, avec cette moulinette que nous offrons à nos lecteurs ou à vos auditeurs, est-ce qu'il est véritablement impossible de remonter jusqu'à l'expéditeur. Et jusqu'à présent, les audits sont positifs. Vous avez eu beaucoup d'informations de cette manière ? On a eu un nombre intéressant d'informations et dans ces informations, un nombre intéressant de révélations. Mais soyons clairs. Mais par exemple, est-ce qu'on peut donner un exemple de quelque chose, d'une révélation ? Vous en avez publié déjà ? Oui, tout à fait. Donc, je dirais le fait, par exemple, que le Premier ministre soit entouré de nombreux gardes du corps lorsqu'il est en Belgique et qu'il n'ait personne lorsqu'il se retrouve dans un pays comme le Maroc, c'est une information source sûre. Je pense ne rien dévoiler, c'est pas un grand secret de dire qu'un des journaux francophones a fait un grand scoop sur des matières d'environnement ces derniers mois qui étaient liées à Source Sûre. Alors, il y a deux stars, hein, dans les lanceurs d'alerte et vous n'êtes pas d'accord puisqu'on en parlait avant de commencer l'interview. Nous, on s'est dit il y a Julian Assange et Edward Snowden. Vous dites Julian Assange, c'est pas un lanceur d'alerte. Non, c'est Julian Assange est beaucoup plus important que cela. Julian Assange a participé à l'écriture du code informatique qui permet à des personnes de déposer des documents sans être traçables. Donc Julian Assange, au départ, a été extrêmement révoltant peut-être, mais c'est quelqu'un qui a inventé une nouvelle manière de communiquer. Et donc lui a été le passeur d'eau des premiers lanceurs d'alerte. Edward Snowden, ça c'est un véritable lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui, par son contrat professionnel, il lui était interdit de dénoncer certains faits, et il l'a fait. Il a révélé les activités d'un des services de renseignement les plus importants des États-Unis, la NSA. Vous avez des personnes comme Hervé Falciani qui ont sorti des informations de HSBC. Ça, ce sont des lanceurs d'alerte. Ils se sont fait repérer. Et ce sont des gens qui se sont fait repérer. Et heureusement, la grande majorité des lanceurs d'alerte ne se font pas repérer. Mmh. Qu'est-ce que vous avez pensé en tant que spécialiste du fait que Edward Snowden soit dans la liste des prix Nobel de la paix potentiels? Je pense qu'on commence à prendre la mesure de ce qui a changé en termes de dissémination d'informations. Alors je sais que tous les gens que j'ai suivis pendant des années qui appartiennent aux services secrets vont me dire « Enfin, c'est véritablement cassé la notion même de secret, ce qu'a fait Edward Snowden. » Mais je pense que le secret abusif a toujours été une entorse légale. Il est prévu dans les textes de loi, également en Belgique. Le secret, le très secret, le confidentiel, ne peut tenir que pour autant que ce soit légitime. Ce qui n'est pas légitime, comme la surveillance de masse, doit être révélé, c'est une infraction. Jusqu'à 14h sur Vivacité, c'est la semaine Viva. Je vais essayer de me reconstruire après tout cela. Ça ne va pas être facile. Ça va être douloureux, mais je vais essayer. Bernard Westphal a quitté. Le verdict est tombé jeudi en fin de journée. Et pour la RTBF, au procès Westphal, il y avait Michel Gretry. Bonjour Michel. Bonjour Régine. Comment vous vous sentez deux jours après la fin de ce procès? C'est éprouvant quand Michel, même en tant que journaliste. Michel, il se repose un peu, je pense, ce week-end. Hein. Fatigué, mais satisfait d'avoir couvert une affaire qui est passionnante, qui est vraiment une très belle affaire judiciaire. On a peut-être failli assister à une erreur judiciaire, mm-hmm. et puis on a un verdict qui s'impose maintenant à tout le monde. Michel, vous avez couvert pas mal de procès hein, depuis des années. Qu'est-ce que celui-ci avait de particulier, de différent des autres pour vous? Le doute existe dans chaque procédure de justice, mais ici il y avait tellement d'éléments qui étaient incertains, tellement de ratages dans cette enquête, des échantillons perdus, des analyses oubliées, il y avait tellement d'éléments suspects qu'effectivement dégager une vérité avec tous ces éléments, c'était vraiment une tâche très difficile et les jurés, je pense, ont eu vraiment beaucoup à réfléchir au long de 3 semaines, pour arriver à une conclusion qui finalement a été rapide et limpide, la nécessité d'acquitter l'accusé. Et donc qui vous paraît, avec le recul, juste finalement? C'est juste parce que c'est prononcé par une institution de justice. Disons que, à mon estime, la décision me semble simplement logique. Alors, c'était au début, hein, quand l'affaire a commencé, c'était couru d'avance. On a beaucoup entendu que Bernard Westphal était coupable, même s'il y a la présomption d'innocence, mais il y a eu un sacré lynchage, même au début du procès. Alors, à quel moment pour vous ça a basculé? Je dirais que rétrospectivement, le moment où le verdict s'est joué, c'est probablement le jeudi de la première semaine. C'est à la fin de la soirée, l'audience a été très longue, particulièrement tendue, c'est l'audience de la bataille des experts. Et après des heures de disputes entre scientifiques avec des arguments compliqués, difficiles à suivre, qui demandent une énorme concentration de la part des jurés, après ces heures intenses, eh bien, le médecin légiste a fini par admettre qu'il ne peut pas exclure un décès provoqué par une surdose d'alcool et de médicaments. C'est ce que la juge d'instruction n'a jamais voulu vérifier. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ce doute-là est instillé dans les esprits, je dirais que le verdict ne pouvait plus être autre chose qu'un acquittement. Parce que le risque, c'est de mettre un innocent en prison. Exactement. Mm-hmm. On a parlé beaucoup de Maître Mayence, hein, l'avocat de Bernard Westphal, qui a fait une plaidoirie remarquable, visiblement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui et qu'est-ce que cette plaidoirie avait de si remarquable? Eh bien, c'est impossible à dire. Sur un plan rationnel, ses arguments étaient forts, étaient intelligents, mais je dirais que c'est surtout une question de talent, d'éloquence, avec des figures de rhétorique dans ses plaidoiries. Et ça a duré des heures. Hein, ça a duré des heures, et pendant une longue partie de cette plaidoirie, les 12 jurés, même les 17 avec les 5 suppléants, étaient comme bouche bée, comme pour boire ses paroles. Ils ne pouvaient plus détacher leur regard de cet avocat en robe noire, qui gesticulait devant eux, qui qui martelait ses convictions, et ça n'a aucun aspect rationnel, je vais dire. À ce moment-là, plus personne ne prenait de notes, tout le monde suivait ce raisonnement, et c'est donc un élément important dans la persuasion. Mais en même temps, je dirais que la plaidoirie de la défense de l'autre avocat de Westphal, maître Tom Bowens, a été d'une rigueur, d'une précision, et je pense que plus peut-être que la plaidoirie de Jean-Philippe Mayence, peut-être c'est ce raisonnement-là qui s'est attaché à décortiquer les scénarios imaginés par l'accusation et qui a démoli en fait ces hypothèses en montrant qu'il y avait des incohérences, et ça a d'ailleurs été repris dans l'arrêt. C'est un des points du raisonnement que les jurés avancent pour expliquer l'acquittement. Eh bien, je pense que c'est peut-être cette plaidoirie qui, sur un plan rationnel, probablement déterminer les dernières hésitations et qui les a fait basculer du côté de l'acquittement. Les deux avocats étaient très complémentaires. Très complémentaires, l'un irlandophone, l'autre francophone. L'un, je dirais, rationnel, l'autre affectif, plaidant sur l'homme, sur la personnalité de l'homme, mais en même temps rappelant, bien entendu, des principes de droit élémentaires avec beaucoup de pédagogie. Tout ça était très complémentaire et il était difficile de faire autre chose que de voter non à la question de culpabilité. Michel Gretry, qui a suivi pour la RTBF donc ce procès Bernard Westphal. Oh, je peux vous raconter cette anecdote quand même, où le président, qui a toujours fait taire les téléphones portables, évidemment, qui parfois peuvent sonner de manière intempestive, et puis à un moment, dans une audience, c'est son téléphone à lui qui a fait un peu de bruit. Ah. Et comme l'a dit à ce moment-là Jean-Philippe Mayence, vous ne pouvez quand même pas vous faire sortir, vous, de la salle d'audience. Voilà. Justement, à propos des réseaux sociaux, Tom Salbette, il y a eu des réactions à l'issue de ce procès. Quelques tweets épinglés pour nous. Évidemment, et même avant, puisqu'il y avait un suspense insoutenable, c'est du béton qui dit « Les médias attendent le verdict de l'affaire Westphal comme on a attendu l'épisode final de Lost ». Personnellement, je ne l'ai jamais vu, je me suis endormi avant. Florence Hénault qui dit « C'était un assassinat mais uniquement médiatique », hashtag Westphal. Georges qui dit « La cour d'assises vient encore une fois de montrer son utilité et son sens. Un professionnel aurait-il admis son doute raisonnable ?» Xavier qui dit « L'affaire Westphal en passe de devenir un feuilleton communautaire, Belgium as usual ». Et Nicolas, plus léger, qui dit « On sait déjà s'il y aura une saison 2 à la fin de Westphal. » Voilà, pour les réactions sur les réseaux sociaux. Après la pub, le top des recherches les plus effectuées sur Google avec Tom Salbette, et puis le coup d'œil sur la semaine à venir avec Christophe Grandjean. Restez avec nous. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Les prix cadeaux, le service et la qualité Krefel, c'est Krefel. Profitez-en maintenant, Krefel. Les meilleurs prix, service compris. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Jusqu'au 31 octobre, achetez une voiture d'occasion BMW Premium Selection et profitez d'une garantie prolongée jusqu'en 2020. Plus d'infos sur bmw.be. Stop ! Dormir, c'est important, mais ce n'est pas le moment. Durant tout le mois d'octobre, la Literie Libo vous propose toute la literie et accessoires hors TVA. Depuis plusieurs générations, la Literie Libo veille sur votre sommeil et chouchoute tous ses clients avec, en cadeau, la TVA offerte. Le rêve. Profitez-en. Literie Libo fête ses 90 ans. Rue de l'Étang à Etterbeek, à proximité de la place Jourdan. C'est déjà presque fini pour cette semaine. On prend le pouls de ce qui a intéressé les internautes dans l'actualité en allant jeter un œil aux sujets les plus recherchés sur Google Belgique. Vous allez voir que ce n'est pas toujours les sujets que l'on croit qui font l'objet de recherches en ligne. Tom ? C'est vrai, c'est parfois étonnant. Alors, premier sujet tapé cette semaine sur Google, Justin Bieber. Il était en concert ce mercredi et ce jeudi au Sport Palace d'Anvers. Eh ben, c'est le sujet en Belgique. Ça marche toujours, Justin Bieber, donc. Ah, il cartonne sur les réseaux sociaux, sur le web. En tout cas, c'était le sujet d'actualité le plus recherché, le mot-clé le plus recherché cette semaine. En deuxième position, l'affaire Westphal, évidemment. Hashtag Westphal et le mot-clé Westphal avec la fin du procès qui a augmenté encore les recherches puisque les gens voulaient aller voir le verdict en direct sur les moteurs de recherche. Et puis, en troisième position, des sujets d'actu, l'avortement en Pologne. ah aussi, oui. C'est étonnant. C'était lundi noir de mobilisation en Pologne contre le projet de loi anti-avortement, je vais y arriver. Des milliers de femmes ont répondu à l'appel des organisations féministes pour faire grève ou s'habiller en noir pour protester contre le projet d'interdiction totale de l'interruption volontaire de grossesse. Et finalement, le projet a été rejeté d'ailleurs. Et c'est une bonne nouvelle. Enfin, si vous le dites, Régine. Excusez-moi, je me laisse emporter. La semaine prochaine, Christophe. Alors, la semaine prochaine, elle commence déjà demain, enfin dans la nuit de dimanche à lundi, puisqu'il y aura le deuxième débat aux États-Unis entre les deux candidats à la Maison-Blanche, Hillary Clinton et Donald Trump. Et puis, Elle avait eu la main sur le lors du premier, hein, donc on va voir comment. On va voir la riposte éventuelle de Donald Trump. Et puis chez ING, il va falloir quand même se parler à un moment donné, hein, puisque toute cette semaine, les syndicats ont refusé de participer. Participer aux réunions avec la direction, eh bien, sans doute un conseil d'entreprise la semaine prochaine pour discuter des modalités des emplois supprimés. Et puis, aujourd'hui, des gens marchent. 100 kilomètres. 100 kilomètres pour Cap 48. Pas mal de nos collègues, on aurait bien été, mais on était là. Donc non, on avait une excuse. On avait une excuse, on ne pouvait pas aller marcher 100 kilomètres pour Cap 48. Mais évidemment, on les encourage, nos collègues, et puis tous les auditeurs, auditrices qui suivent, hein, parce que je pense qu'il y a du monde derrière. C'est pour Cap 48. Cap 48, c'est demain soir, sur la Une Télé, la soirée de clôture. Et on pourra faire un petit bilan la semaine prochaine, peut-être. Pourquoi pas, bonne idée. Merci Christophe, alors à la semaine prochaine. Rendez-vous samedi prochain, juste après les infos de 13h sur Vivacité. Et puis, cette émission est disponible en podcast. Vous allez sur vivacité.be ou sur Ovio et vous tapez la semaine Viva. Il y a aussi votre rétrospective, votre rétroviseur de la semaine qui est mise en image. Donc, vous pouvez le retrouver également sur Ovio. Merci Tom, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vivement la semaine prochaine. Votre jardinerie pépinière Le Longfond. Pépinière Le Longfond. C'est 750 mètres carrés couverts pour vos plantes, décorations, meubles de jardin et produits du terroir. C'est vendredi, samedi et dimanche. Profitez de nos actions portes ouvertes. Le Longfond, chaussée de Bruxelles, à 500 mètres du château de la Hulpe. Pépinière Le Longfond. C'est 6, 7 et 8 octobre, tu sais où je suis? Oui, au Westland Shopping. Oui! Et pourquoi? Pour la braderie d'automne, évidemment. Dis, tu lis dans mes pensées ou quoi? Non, mais j'ai Facebook et je peux même te préciser qu'il y a plein de bonnes affaires à faire pour renouveler, par exemple, ta garde-robe. Continue. Et pour les enfants, atelier cire, grimeuse, jazz band, artiste de rue. Dis donc, tu serais pas en train de me dire que tu m'invites les 6, 7 et 8 octobre au Westland Shopping? Ben mieux, je t'y emmène. Allez, viens. Info, westlandshopping.be, Ring West sortie 14, parking facile. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Nouveau, Komiyakaza Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis du marais ou les farfales pancetta formaggio. Komiyakaza. Apportez un peu de chaleur. Moi, sur mon poney Nutella, j'écrirais « Bon appétit !»« Je t'aime !» Oh, ou juste « Love !» T'es chou. Mais quoi, c'est vrai. Bravo, ma puce. Pour ma petite fille. Bisous. Mouah. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Bon week-end, bon samedi, 14h sur Vivacité. Et les infos, bonjour Delphine Vreux. Bonjour, la France perd Monsieur Cinéma. Pierre Tchernia est mort, il avait 88 ans. Homme de cinéma, homme de télévision en 1949, il participe à la création du premier journal télévisé français. Il devient un peu plus tard animateur d'émissions de variété. Entre 1966 et 1988, il incarne le cinéma à la télévision avec Monsieur Cinéma, Mardi Cinéma également. Les plus jeunes le connaissent en tant que Pierre Magic Tchernia, comme l'appelait Arthur dans Les Enfants de la télé. Clin d'œil, il était aussi la voix qui vous racontait les aventures d'Astérix. En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Et son amitié avec Goscinny et Uderzo lui a valu d'être caricaturé dans plusieurs albums. Pierre Tchernia était aussi acteur, scénariste et metteur en scène. Il s'est éteint à l'âge de 88 ans. Une jeune femme de 22 ans a été kidnappée puis relâchée la nuit dernière à Herstal. Elle quittait un bar-restaurant lorsqu'elle a été poussée de force dans une voiture. Elle a subi des attouchements. Ses agresseurs l'ont abandonnée en rue 3 heures plus tard. La police lance un appel à témoins. La voiture dans laquelle les agresseurs circulaient avait été volée. Un blessé grave ce matin dans un accident sur l'autoroute 19 à Nivelles. Trois véhicules se sont percutés. Le blessé grave conduisait l'une des trois voitures. Il a dû être désincarcéré. Un vétérinaire a aussi été appelé durant l'intervention pour secourir des chiens. Au Maroc, la victoire des islamistes du parti Justice et Développement